C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur le site de québecpop.com ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, CANROCK. Et cette semaine, on est dans l'esprit Noël, encore une autre fois, avec tout simplement « Noël avec toi » de Christine Saint-Pierre et Justin Lacroix. Christine Saint-Pierre d'Ottawa et Justin Lacroix de Winnipeg au Manitoba. Les auteurs, compositeurs et interprètes Christine Saint-Pierre et Justin Lacroix nous offrent un petit cadeau charmant cette année avec leur nouvel album « Noël avec toi ». Dès le début de « Sous le gui », un univers feutré nous berce tendrement et les interprétations vocales nous captivent. « Ma commande de Noël », qui est la première chanson qu'on va entendre dans quelques instants, nous confirme la richesse des mélodies de cet album. Pièce par pièce, on est séduit par des vers d'oreille comme « Il neige » ou encore « Père Noël arrive en motoneige ». C'est vraiment magnifique. Je vous donne bien sûr une adresse pour aller voir, découvrir ce duo-là, le produit de ce duo-là, « Noël avec toi ». Vous allez tout simplement sur le Bandcamp de Christine Saint-Pierre. C'est Christine Saint-Pierre en un mot, .bandcamp.com. Christine Saint-Pierre, .bandcamp.com. Vous pouvez acheter les albums de Christine Saint-Pierre ou celui-ci qui est un album de Noël. La première chanson qu'on a suggérée ou proposée aux radios, ça s'appelle « Ma commande de Noël ». Écoutez cette belle mélodie, écoutez le texte qui est vraiment intelligent. Voici Christine Saint-Pierre d'Ottawa en Ontario et Justin Lacroix de Winnipeg au Manitoba avec leur album « Noël avec toi ». Voici ma commande de Noël. Petit papa Noël, il y a plein de choses que je pourrais demander. Une plus grande maison avec une grosse piscine creusée. Un billet d'avion pour voir le monde voyager. Mais cette année, ma commande a changé. J'ai pas besoin de voiture ou des billets de loto. J'ai pas besoin de télé ou même des jeux vidéo. J'ai pas besoin de guitare ou des vieux vinyles de Presley. Père Noël, je t'en supplie, peux-tu m'aider? Je veux un amour, quelqu'un avec qui danser. Quelqu'un pour me faire rire, dis-moi, est-ce trop demandé? Quelqu'un pour m'enlacer quand je suis trop fatiguée. Père Noël, un petit amour, c'est tout ce que je veux. C'est sûr que je pourrais demander un beau grand voilier. Traverser l'océan, dormir sous le ciel étoilé. Mais ça ne comblerait pas tout le désir que j'ai d'aimer. Père Noël, je t'en supplie, me laisse pas tomber. L'amour c'est si beau, le plus grand des cadeaux. L'amour c'est si beau. Père Noël, peux-tu m'aider? Quelqu'un pour me faire rire, dis-moi, est-ce trop demandé? Quelqu'un pour m'enlacer quand je suis trop fatiguée. Père Noël, un petit amour, c'est tout ce que je veux. Param, pam, pam, pam, parararam, pam, pam, papararam. Je sais bien que c'est une commande assez exceptionnelle, mais peut-être que ça se peut. Un miracle à Noël, un petit brin d'amour pour me réchauffer le cœur. C'est bien ça que ça veut dire, le bonheur. Je veux un amour, quelqu'un avec qui danser. Quelqu'un pour me faire rire, dis-moi, est-ce trop demandé? Quelqu'un pour m'enlacer et me couvrir de baisers. Père Noël, un petit amour pour me combler. Père Noël, un grand amour à déballer. Mes pièces préférées sur ce disque sont entre autres « Promenade d'hiver » qu'on va entendre dans quelques instants. Vous allez voir, c'est une belle valse folk aux orchestrations magnifiques pour un duo tout en retenue, rempli de tendresse. « La fenêtre » qu'on va entendre en fin de commentaire, dégage une belle mélancolie qui nous ramène en enfance où tout était magique, hein, les sapins, la neige, les jouets, c'était féerique. Eh bien, vous allez voir, c'est une très bonne pièce qui nous rappelle tout ça. Et le succès du disque, selon moi, c'est une pièce anglophone, par contre, c'est 25 Below, qui est une belle balade folk que l'on écoute sur repeat, tellement c'est attendrissant. On se laisse caresser par cette belle mélodie-là. Le texte est génial également. Donc, 25 Below, une excellente chanson. Je vous le rappelle, allez faire un tour sur christinesaintpierre.bandcamp.com pour vous procurer cet album-là. Voici une autre pièce de Noël avec toi. Voici Promenade d'hiver. La neige sous mes pieds, un pas à la fois, je te vois sous les branches givrées. Les chants des mésanges, j'avance vers toi. Pour ceci, je vais tout donner. Prends ma main dans la tienne, qu'on se laisse le temps. C'est à nous qu'appartient ce moment. Enfilons nos patins. Allons faire un tour, qu'on se laisse glisser sur l'étang gelé. Une valse sur cette patinoire, traçons notre histoire, celle qui ne fait que commencer. Prends ma main dans la tienne, qu'on se laisse. C'est à nous qu'appartient ce moment. Un regard, quelques mots pour te confier mon amour. Et ce geste, une promesse pour toujours. Avec toi, un bel album du dimanche après-midi qui arrête le temps, un album qui nous caresse le temps de reprendre notre souffle. C'est le genre d'album que l'on écoute pour sa mélancolie, pour se laisser charmer par deux voix exceptionnelles en pleine harmonie qui concrétisent la magie de ce disque. Donc offrez-vous une touche magique ce Noël en vous procurant ce petit bijou vraiment agréable. Moi, j'adore ça. C'est une fraîcheur au niveau de la musique de Noël. C'est vraiment là, de très belles pièces, vous allez voir. Allez faire un tour sur christinesaintpierre.bandcamp.com pour découvrir la musique de Christine Saint-Pierre, mais aussi vous procurer l'album Noël avec toi de Christine Saint-Pierre et Justin Lacroix. Christine Saint-Pierre, elle est d'Ottawa et Justin Lacroix de Winnipeg. Voici une dernière pièce, La fenêtre. Voici Christine Saint-Pierre, Justin Lacroix. Ça fait des années qu'on regarde la neige tomber de la fenêtre, près de la porte d'entrée. La même fenêtre d'où on regardait les enfants jouer dehors, devenir grand. Ça fait des années qu'on ne s'est pas quitté, même juste un soir, ce serait trop demandé. On a vieilli sans se laisser du regard, assis devant fenêtre, côte à côte, chaque soir. Serre-moi plus fort, serre-moi plus fort, car je n'ai rappelles-tu d'aller couper le sapin? Tu disais toujours que le plus beau, il faut aller le chercher loin. Puis quand on revenait à la maison et que les lumières étaient toutes posées, de la fenêtre, on voyait l'étoile briller. Puis je t'aimais bien dans ton costume du Père Noël. On était fiers, même si les enfants se doutaient bien que c'était leur père. Le nez collé dans la fenêtre, on attendait que tu reviennes pour faire la fête. Serre-moi plus fort, la vie pour ces années et pour tout l'amour qu'on s'est donné. À la fenêtre, je regarde la neige tomber et je pense à toi, à mes côtés. Serre-moi plus fort, quelqu'un qui a perdu le goût de rire, une image pour celui qui ne sait pas. sais pas lire des mots pour les grands qui ne savent plus quoi dire. La clé de la porte pour ceux qui veulent revenir. Que les riches et les pauvres entrent chez nous, que les grands deviennent un et entrent chez vous. Qu'on partage la richesse, qu'on divise le tout. C'est Noël chez nous, c'est Noël chez vous. C'est Noël chez nous, c'est Noël chez vous. La paix pour tout le monde, la fête, les repas, un désir, un avenir pour ceux qui n'en ont pas. Un mouchoir de soie pour essuyer les larmes, un peu de chaleur pour faire fondre les âmes. Que les riches et les pauvres entrent chez nous, que les grands deviennent un et entrent chez vous. On partage la richesse, qu'on divise le tout. Quand c'est Noël chez nous, c'est Noël chez vous. Quand c'est Noël chez nous, c'est Noël chez vous. L'amour pour les enfants, les jeunes et les vieux, que le sourire du bonheur demeure avec eux. Pour qu'un jour on regarde l'étoile dans le ciel, qu'on se dise dans les yeux, joyeux Noël. Joyeux Noël tout le monde. Que les riches et les pauvres entrent chez nous, que les grands deviennent un et entrent chez vous. Qu'on partage la richesse, qu'on divise le tout. Quand c'est Noël chez nous, c'est Noël chez vous. Quand c'est Noël chez nous, c'est Noël chez vous. Quand c'est Noël chez nous, c'est Noël chez vous. Là, 25 ans, était lancé le premier album de Noël officiel de l'Ontario français, si on peut inciser comme ça, Un cadeau de Noël de Robert Paquette et Jean-Guy Choc Labelle. Et c'était la première pièce qui partait l'album. C'est tout simplement Noël chez nous, Noël chez vous. On célèbre, il y a une tournée en ce moment de quelques spectacles, on va célébrer les 25 ans de cet album-là, comme Canrock, hein, ben oui. Et avec un grand plaisir, je vais aller voir ça, Jean-Guy Choc Labelle et Robert Paquette, donc un peu dans le nord, dans la région de Sudbury, tout ça, North Bay, donc plusieurs spectacles pour fêter les 25 ans de ce premier album complètement Noël de l'Ontario français, et c'était magique à l'époque, et ça risque de l'être, ça va être très nostalgique, ça, la semaine prochaine j'y vais, donc j'ai bien hâte de voir ça. On va rester dans l'esprit des fêtes. Il y a Swing, le groupe Swing, LGS, qui sont en train de terminer une tournée d'adieu, mais ils ont de la misère à terminer la tournée d'adieu parce qu'il y a une demande en France. Donc, en janvier, ils vont aller du côté de la France faire quelques spectacles. Et puis, ils nous ont composé une nouvelle chanson de Noël, pourquoi pas. C'est la pièce, c'est comme ça. Falala. C'est comme ça, falala. Donc, vous allez voir, très, très bonne pièce du groupe Swing LGS. Par la suite, on va entendre tout simplement La neige, belle reprise de 33 barrettes par Geneviève et Alain. Vous allez voir une touche assez spéciale, mais quand même très respectueuse de ce qu'est la chanson, quand la manière que 33 barrettes l'avait fait, là, plusieurs années de ça. Donc, on va écouter ça avec grand plaisir. Et on va terminer le bloc avant l'heure. Le bloc de l'heure va se terminer avec tout simplement Shotgun de Madame René Ray. Des lumières tout autour de la maison, c'est moi qui like toute la rue. Je suis king de la saison, un peu de gin qui pimpe mon jus. Les voisins jaloux de mes lutins, les reines sur mon perron, le party dread sur mon terrain, les cigares dans mon salon. James Bond Martini, un shot de ça qui reste pas assis. Call tous tes amis. comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on passe. C'est comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on brasse, c'est comme ça qu'on passe. C'est comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on passe. C'est comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. Man, y'a même pas 10h30, tout le monde danse avec mon grand-père. Le DJ qui sème le party a mis de l'herbe dans sa tourtière. Y'a du monde sur le toit de la maison, pis du monde partout dans la rue. Y'en a trois qui se collent dans la chaise longue, pense que m'en servirai plus. James Bond, Martini, un shot de ça qui reste pas assis. Quand tous tes amis, ha ou pas jolis, reste pas assis. C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on passe. C'est comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on passe. C'est comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on passe le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on passe le temps des fêtes. Des lumières tout le tour de la maison, c'est moi qui light toute la rue. Je suis le king de la saison, un peu de gin qui pimpe mon jus. C'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. Effacer le monde. selon moi. Chacun, moi je t'ai dit feu, je m'assis en avant. Je bois la route, mais quand, avec un coup de face dans le vent, je vais dire. Yeah.